Rendu là, je vais avoir du mal à vous aider. Je comprends pas très bien comment un assassinat peut pas avoir de mobile. On en veut forcément à la personne qu'on essaye de tuer, non?